Saviez-vous que l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle utilise un système de reconnaissance faciale pour le passage des portiques de sécurité? Un système qui est en train de s'étendre à la plupart des grands aéroports internationaux avec pour objectif évidemment la sécurité et l'appréhension des individus recherchés, mais aussi la fluidification du trafic passager. Et il n'y a pas que les aéroports qui sont concernés, de plus en plus de collectivités sont tentées par ces algorithmes d'identification. En France, par exemple, pendant le carnaval de Nice, ou en Chine, championne du monde en la matière, où la reconnaissance faciale sert à interpeller les piétons qui traversent en dehors des clous. Reconnaissance faciale, on se connaît, non ? C'est le programme Identifié qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer le fonctionnement de ces technologies de plus en plus performantes et leur utilisation, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Luc Dugelet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'école d'ingénieurs Eurecom à Sophia Antipolis. Et Kevin Bailly, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à Sorbonne Université, à l'ISIR, à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, également directeur de recherche dans la société Datacalab. Vous pouvez suivre cette émission, comme d'habitude, en direct sur les ondes de France Culture, en replay via notre site franceculture.fr, en podcast via l'application qui est la plus chère à votre cœur, mais comme tous les jours, en complément, on va vous poster, comme toujours, un certain nombre de liens, de graphiques, de références sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Alors, bien pour commencer, la reconnaissance faciale, avouons-le, n'a en général pas très bonne presse auprès du grand public, en partie parce qu'elle se fait le plus souvent à l'insu des populations qui sont surveillées, et également parce que la science-fiction a une part de responsabilité. Hein, depuis des années, elle en fait l'un des piliers d'une société futuriste totalitaire où l'espace de liberté individuelle a été rogné, comme dans cette mémorable scène de Minority Report de Steven Spielberg, adaptée de Philip K. Dick, où le héros John Anderton, en fuite, se retrouve dans une galerie commerciale et est identifié par les panneaux publicitaires. Écoutez. Une route traverse le désert, Nexus. La route sur laquelle vous êtes, John Anderton, est la moindre. Bonsoir, John Anderton. Des vacances à la carte, John Anderton. John Anderton ! Une bonne Guinness ne serait pas de refus. Très simple, votre bonne Guinness. Besoin de vacances ? Évadez-vous, John Anderton. Venez à Aruba, John Anderton. Il vient d'être identifié dans le métro. La rame fait deux arrêts, à la 20e et à la 33e. Envoyer des unités aux deux stations. On n'arrivera pas à la 20e. Mais faut y croire. Voilà, extrait de la première partie de Minority Report de Steven Spielberg. C'était de la science-fiction il y a quelques années. Ça n'en est plus aujourd'hui, Kevin Bailly. Oui, c'est vrai que maintenant on est capable d'identifier les personnes, de faire plus que les identifier d'ailleurs, peut-être d'analyser également leurs expressions faciales, de déterminer d'autres caractéristiques comme leur âge, comme... savoir si c'est un homme, si c'est une femme, et puis voilà, donc c'est des choses qu'on est capable de faire, dans certaines conditions bien évidemment. Jean-Luc Dugelet. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut déjà préciser ici, c'est qu'il faut déjà enregistrer la personne. Pour pouvoir la reconnaître, c'est forcément une personne déjà enregistrée. On va revenir justement comment c'est un peu l'objectif de cette émission, comprendre comment marche effectivement tous ces systèmes. Ce qui est intéressant, c'est que si j'ai choisi cette scène-là en particulier, parce que évidemment quand on pense reconnaissance faciale, on pense immédiatement surveillance, police, identification pour des raisons de sécurité. On va voir que c'est loin d'être l'unique application, loin s'en faut, que la biométrie a bien d'autres applications que la seule reconnaissance. Néanmoins, si j'ai utilisé cette scène, c'est parce que aujourd'hui il y a effectivement des applications commerciales qui se servent de la reconnaissance faciale pour profiler, pour identifier des utilisateurs, pour leur proposer une publicité qui soit plus adaptée à ce qu'ils sont, Kevin Bailly. Oui, c'est vrai. Bah, notamment la société Datacalab, dans laquelle je travaille, cherche en fait à analyser en fait le comportement des utilisateurs, des consommateurs, afin de comprendre Qu'est-ce qui est, quel contenu peut créer des émotions, à quel moment, de manière à avoir des contenus qui soient plus adaptés aux envies et à la réaction des consommateurs. Jean-Luc Dugelet, sur ces questions d'identification à objectif commercial en tout cas. Oui, au jour d'aujourd'hui, on arrive à identifier assez bien le genre, c'est-à-dire homme, femme, et l'âge par exemple. L'âge qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement les machines arrivent à estimer mieux l'âge que les humains eux-mêmes. Et c'est intéressant parce qu'on voit des applications, notamment en Chine, alors on va en reparler, hein, la Chine est très très pionnière en la matière, elle a beaucoup développé ce type d'interface, elle s'en sert notamment pour, par exemple, quand on rentre dans un restaurant, dans une chaîne de fast-food, pour proposer des menus différents en fonction, quand on arrive aux bornes de commande, en fonction de la personne qui se présente à cette borne de commande. Oui, on peut effectivement imaginer ce genre de technologie. Après, c'est pas nous, par exemple, à Datacalab, c'est pas ce qu'on cherche à faire, nous. On cherche plutôt à agréger l'information sur un panel de personnes qui sont bien évidemment consentantes. Hein. On leur demande pas à leur insu, on n'allume pas la caméra à leur insu, mais on leur demande de regarder un contenu et ensuite sur un panel de personnes, au même titre qu'ils ont tendance à répondre à des questionnaires, ben là on observe leur visage, leur réaction, pour avoir des informations un peu plus fines sur leur goût. Sur leur ressenti et leur comportement vis-à-vis du message qui leur est proposé. Voilà, complémentaire, parce que dans le déclaratif, il n'y a pas tout en général. On ne se souvient pas forcément de l'émotion qu'on a ressentie à la troisième seconde de la pub. Donc là, c'est des informations qu'on agrège et qu'on a en plus du déclaratif. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h, bientôt 10 minutes sur France Culture. Nous parlons donc de reconnaissance faciale tout au long de cette émission en compagnie de Jean-Luc Dugelet et Kevin Bailly. Alors on va précisément revenir à la technique derrière ces logiciels, ces algorithmes, ces programmes qui se sont très très nettement perfectionnés ces dernières années, notamment via des principes de machine learning dont vous allez nous parler. Les premiers travaux remontent à quand exactement, Jean-Luc Dugelet? À partir de quel moment on commence à avoir des machines suffisamment performantes pour pouvoir identifier des visages à la louche, hein, je vous demande pas Années 80. Oui. Les années 80, Le tout début, c'était les années 80 pour le tout début. Les balbutiements, quand même. Hein. Et du coup, ça s'est évidemment perfectionné. Aujourd'hui, quel est le principe général derrière un programme de reconnaissance faciale, Jean-Luc Dugelet? Le principe général, déjà, comme déjà dit, il faut enregistrer la personne. Donc, vous la filmez et vous ne gardez pas toutes les images ou toute l'image. Vous allez extraire des caractéristiques principales, d'accord? Pour faire une sorte de signature, on appelle ça un gabarit. Donc, les principales caractéristiques de votre visage, l'écartement entre les yeux, la texture de la peau, etc. pour faire une sorte de signature. Ça, on va le stocker dans une base. Ces gabarits, ça va jusqu'à quel degré de précision? Parce que l'écartement entre les yeux, c'est très macroscopique. Ça peut aller jusqu'à où? Jusqu'à beaucoup de détails, jusqu'à suffisamment d'informations pour pouvoir vous différencier des autres. C'est ça le principe. D'accord. Et quels sont justement les points de différenciation qui sont les plus flagrants, les plus utiles, les plus facilement retenus? Il y a les aspects d'apparence, d'accord. Ça peut être la couleur des yeux, couleur de la peau, contour des lèvres, la forme de votre visage. Voilà, toutes ces informations sont condensées dans une signature. Jusqu'à combien d'informations, jusqu'à combien de traits peuvent être retenus pour être absolument certain, ou enfin idéalement en tout cas, quel est le maximum de traits qu'un programme doit retenir? À l'acquisition. C'est assez compliqué à dire et ça dépend exactement de l'objectif. Si vous voulez faire de la reconnaissance faciale, estimation de l'âge, estimation du genre, ce ne sera pas exactement les mêmes caractéristiques. Donc c'est assez difficile à définir exactement. Mais c'est vraiment condensé par rapport au volume que représentent les images, c'est vraiment condensé. Souvent, explicitement adapté pour le problème que vous devez traiter, qui n'est pas forcément exactement le même entre l'âge et l'identité, par exemple. Dans ces stratégies d'acquisition, on parle d'enrôlement, je crois. Oui, tout à fait. Quel est le modèle type? C'est une photo d'identité? C'est une image acquise par de la caméra de vidéosurveillance? C'est une vidéo? Quel type de matériau initial peut servir justement à ces gabarits? Au jour d'aujourd'hui, c'est surtout des images fixes. L'enrôlement se fait avec des images fixes au jour d'aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'études prospectives qui étudient des nouveaux capteurs en 3D, en thermique, en pleine optique. Donc il y a des études sur des nouveaux capteurs haute résolution. Mais au jour d'aujourd'hui, la plupart des systèmes fonctionnent avec des images dites standards. Kevin Bailly? Oui, non, juste pour compléter aussi sur les signatures, donc par rapport à, il y a effectivement la couleur des yeux, l'écartement, etc. Mais de plus en plus, ce que font les systèmes actuels, c'est d'apprendre eux-mêmes les caractéristiques qui sont pertinentes. Et donc, on n'a plus vraiment accès, nous, à savoir ce que, quelles caractéristiques il a vraiment appris. On peut faire après de l'introspection à l'intérieur du réseau pour savoir sur quelle partie du visage il s'est focalisé, mais il n'y a plus cette notion de uniquement la distance, la couleur des yeux, etc. Il y a beaucoup d'informations qui sont extraites de manière automatique et on apprend conjointement à détecter la personne, enfin à la reconnaître, mais également à extraire ses caractéristiques. C'est-à-dire que finalement, c'est le programme lui-même qui estime à quel est le seuil critique pour être absolument sûr que cette empreinte biométrique soit unique, identifiable et repérable dans le futur. Pas que le seuil, mais quels motifs sont importants sur le visage. Il va apprendre à extraire des informations sur le visage par lui-même, indépendamment de consignes qu'on lui aura données sur la distance entre des points, des angles, des choses comme ça, ou des rides. Là, il va lui-même choisir les caractéristiques qui sont pertinentes pour reconnaître des visages. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment le premier point important, c'est que pour pouvoir être reconnu, il faut d'abord être connu par la machine. Tout à fait. Sans connaissance, on ne peut pas être identifié. Pour l'identité, évidemment. Pour l'âge, le genre, on peut ne pas connaître la personne et le déduire. Mais pour l'identité, il faut l'avoir enregistré ou, comme vous avez dit, enroulé. La deuxième étape, c'est donc la reconnaissance, c'est donc réussir à faire correspondre ces traits-là, ces points précis, au gabarit qui a été stocké par la machine. Absolument. Donc vous refaites l'acquisition, et c'est là où la difficulté, c'est de faire l'acquisition dans les mêmes conditions, voilà, autant que possible, pour faciliter l'appariement. Donc vous refaites la même acquisition, dans les mêmes conditions, vous essayez autant que possible, vous faites l'extraction de nouveau du gabarit, et ensuite vous comparez les gabarits. Et vous prenez une décision. Est-ce la même personne, oui ou non ? Alors justement, là, il y a du coup beaucoup de questions qui se posent. Quel est le niveau de correspondance, de match, comme on dirait en anglais, qui est nécessaire pour pouvoir être sûr d'avoir une identification à 100% ? Disons que la difficulté, c'est les variabilités entre le moment où on a enrôlé la personne et le moment où on va la vérifier. C'est là où est toute la difficulté. Donc, si on a des conditions extrêmement strictes de protocole, c'est-à-dire que face caméra avec une lumière blanche, type photo de passeport, voilà, plus ou moins supervisé. Dans ce cas-là, c'est quasiment du 100%. Les problèmes arrivent quand les conditions sont radicalement différentes. L'orientation du visage, l'expression faciale, l'éclairage, là ça devient très difficile. Là les performances peuvent chuter, le vieillissement, tous paramètres qui peuvent faire varier le visage. La pilosité faciale, le port d'un chapeau, des lunettes, le maquillage pour les femmes, etc. Oui, la résolution du capteur aussi. Tout à fait. Oui, bien sûr, si on prend un capteur différent, de capacité différente, ça va créer des problèmes. Alors justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui permet de corriger, parce que c'est tout l'enjeu finalement aujourd'hui de ces logiciels, de ce programme de reconnaissance faciale, c'est de corriger toutes ces distorsions qui sont produites par les différentes natures de l'acquisition de l'image référente en fait, Kevin Bailly. Oui, alors je pense qu'il y a un peu deux stratégies. Ça va être soit d'essayer explicitement d'annuler certaines variations d'orientation, par exemple, apprendre à générer, à partir d'un visage un peu tourné, une image de face. Ça peut être une façon de faire. Et donc, du coup, on se retrouve dans une configuration un peu canonique et puis on peut comparer. Ou alors, essayer, au contraire, de se dire, bon, on a beaucoup, beaucoup de variabilité, mais on va avoir des très grandes bases de données. Et c'est à la machine, encore une fois, on délègue à la machine la responsabilité de trouver un moyen d'être indépendant de ces fortes variations. Et ça, on peut le faire que si on dispose de très larges bases de données. C'est-à-dire que finalement, plutôt que d'avoir un seul modèle de référence, un seul gabarit, plus on a de gabarits et plus d'un seul coup, il est facile de trouver des correspondances, Jean-Luc Dugelet ? Oui, mais plus il est facile de se tromper aussi. Ah oui, parce pourquoi? Que si on augmente le nombre de solutions, on peut plus facilement se tromper. C'est-à-dire qu'en fait, si on est très flexible pour conclure que c'est la même personne, malgré des différences, on ouvre la porte pour aussi dire que c'est deux mêmes personnes qui en fait étaient différentes. Donc si on offre trop de flexibilité au système, c'est aussi ouvrir la porte à faire des erreurs. Donc il y a ici un compromis à faire entre être très flexible pour dire c'est la même personne, sauf que l'expression faciale n'est pas tout à fait la même, quelque chose comme ça, et dire... deux personnes différentes mais qui ont la même pose, la même expression, on va finir par conclure que c'est la même. Donc il faut faire très attention à ça. Donc toute la difficulté est ici en fait. Je pense que c'est vraiment un compromis à trouver et ça dépend énormément de l'application visée. Par exemple, dans le cadre, vous l'avez évoqué, là, des portiques aux aéroports. Donc là, à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est vraiment être sûr de notre décision. On veut être sûr et de l'identité à 100%. On ne veut pas laisser passer n'importe qui. Donc on va vraiment forcer la personne à être bien de face par rapport à la caméra. On peut lui demander d'être coopérative, etc. Donc là, on a besoin, dans ces cas-là, D'établir un protocole qui est un protocole très strict. Exactement. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans une cabine, il y a un flash, on regarde regarde, on est à bonne hauteur. Donc voilà. Là, en tout cas, le protocole d'acquisition de la seconde image est très similaire à celui de la première. Tout à fait, parce que plus c'est strict, plus on sait que si la personne, les deux images se ressemblent, c'est que c'est la même personne. C'est pas dû à des variabilités, puisque les conditions sont les mêmes. Par exemple, moi qui me suis laissé pousser la barbe récemment, aujourd'hui, je vais aller, c'est pas la même photo que sur mon passeport. Ça pose problème. Ça va poser un problème. Il va falloir que je passe devant un officier des douanes de la police aux frontières. On va réussir, mais ça nous pose des problèmes. Ça rend les choses plus difficiles. Et donc, du coup, moi, la question qui m'intéresse aujourd'hui, c'est en termes finalement de programme ou d'informatique, comment justement on arrive à combler, à réduire ces différentiels, et à la fois dans l'acquisition du modèle de reconnaissance, hein, du deuxième modèle par rapport au gabarit, mais aussi à la transformation, ma barbe par exemple, comme l'âge, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été rendu possible par le progrès du développement des machines, et notamment du machine learning, Kevin Bailly? Et ben là, encore une fois, c'est vraiment lié en grande partie à la quantité de données qui a été disponible. Parce que les machines en elles-mêmes, les réseaux de neurones tels qu'on les utilise actuellement, ils n'ont pas tellement évolué en termes d'architecture par rapport à ce qui se faisait au début des années 2000. Par contre, on dispose maintenant de beaucoup, beaucoup de données. Et là, ils sont vraiment très efficaces. Quand on a beaucoup de données, on va pouvoir avoir des réseaux qu'on dit plus profonds, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup plus de traitements intermédiaires parce qu'on a beaucoup de paramètres à régler. Et si on n'a pas beaucoup de données, on ne peut pas régler ces paramètres. On va faire ce qu'on appelle du surapprentissage. C'est-à-dire qu'on apprend par cœur, donc on va être très bon sur les données qu'on a eues en apprentissage, mais dès qu'on a des nouvelles données, ben là on va complètement se tromper, donc ça veut dire qu'on n'aura pas réussi à apprendre correctement. Et c'est les grandes quantités de données plus des stratégies d'apprentissage aussi qui ont quand même évolué, même si l'architecture est à peu près la même qu'au début des années 2000, les stratégies d'apprentissage se sont améliorées pour être justement plus robustes au risque de surapprentissage et être capable donc d'intégrer plus de variabilité sur le visage. Jean-Luc Dujolet. Oui, il y a aussi un autre point, c'est le progrès des capteurs. C'est parce que là, actuellement, on utilise des capteurs 2D classiques, mais plus ça va, plus on va pouvoir utiliser des capteurs 3D. Donc on a non seulement l'apparence du visage, mais aussi la forme, ou des capteurs thermiques. Alors attendez, parce que juste des capteurs 2D ou des capteurs 3D, vous pensez à quoi par exemple? Parce que quand on pense reconnaissance faciale, on pense notamment des caméras de surveillance par exemple dans les aéroports, ou est-ce qu'on est au contraire juste pour le moment dans le cadre de protocoles d'acquisition très stricts, type cabine de non, douane? On peut imaginer comme pour les téléphones mobiles, hein, ça évolue, maintenant vous avez des capteurs de plus en plus puissants, vous avez aussi maintenant les capteurs 3D qui arrivent, thermiques bientôt. Donc les caméras de surveillance, ce sera pareil. On peut imaginer très vite des progrès technologiques qui font que ces caméras-là sont moins sensibles à certaines variabilités. Par exemple, si on a une caméra 3D, la pose n'est plus vraiment un problème. Parce qu'en 3D, on peut redresser la pose comme on veut, la pose du visage. En thermique, l'éclairage a peu d'importance. On peut imaginer aussi des systèmes hybrides, c'est-à-dire des caméras qui ont plusieurs types d'acquisition simultanées. En thermique, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a aussi une signature thermique individuelle en dehors de la stricte reconnaissance faciale qui est... On peut aussi reconnaître grâce au thermogramme facial. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on peut reconnaître les traits grâce au thermogramme facial. C'est ça que vous dites. C'est pas la même information. C'est pas la même information, mais que ça dépend de votre graisse, muscle, etc., de vos os. On peut aussi. C'est pas une signature thermique individuelle, c'est ça ma question. Si, on peut aussi. D'accord. Mais c'est moins exploré que le visible. Donc actuellement, c'est moins au point, c'est moins exploré. Oui. Kevin Bailly, oui. Donc, je voulais juste aussi compléter. J'ai dit les données aussi, mais il y a également les systèmes qui sont de plus en plus puissants pour apprendre aussi. Donc c'est vraiment une chose qui a évolué, c'est la puissance de calcul qui permet d'apprendre et d'ingérer toute cette quantité de données. Bien sûr. En fait, c'est vraiment trois éléments, si on résume. Ouais. Les capteurs, les données, les bases de données et la puissance de calcul. Ces trois éléments-là combinés ont fait que ça fait un bond en quelques années. Bien sûr. Une question qui se pose également aussi, c'est la question du temps réel. Parce que quand on pense surveillance, notamment en tout cas reconnaissance faciale, avec un objectif de surveillance, aujourd'hui, ça veut dire qu'on a des machines qui sont suffisamment robustes, suffisamment puissantes et suffisamment renseignées justement en termes de base de données pour pouvoir faire de l'analyse en temps réel d'une image prise sur le vif pour faire de la reconnaissance faciale en temps réel et pas a posteriori, Jean-Luc Dujolet? Oui, c'est extrêmement rapide. Le problème de temps n'est pas là. Le problème de temps, c'est l'apprentissage. L'enrôlement, l'apprentissage, mais l'exécution du programme, c'est extrêmement rapide. Oui, je confirme, c'est tout à fait vrai. Après, c'est toujours, encore une fois, une question de compromis. Hein. Plus on aura de puissance de calcul, même au moment du test, plus on sera capable de reconnaître finement avec une meilleure précision. Mais maintenant, le temps est vraiment principalement au niveau de l'apprentissage. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas également aussi une question de base de données, du nombre de personnes, ou en tout cas de la quantité de gabarits à surveiller derrière. C'est-à-dire qu'évidemment, si sur une foule donnée, on cherche la correspondance de trois visages sur une foule de milliers de personnes, c'est beaucoup plus simple que si on cherche de la correspondance sur une base de 100 000 personnes. Oui, mais en général, on peut espérer que le nombre de gens recherchés sont limités. Ils sont aussi nombreux, non ? Je ne sais pas. Oui, mais en général, c'est des listes qui sont assez limitées, donc par rapport à la population filmée. Donc ça dépend, encore une fois, ça dépend des applications. Mais comment ? Et puis je pense que le temps de traitement, il est aussi en grande partie lié à l'extraction du motif, plus que la comparaison par rapport au gabarit. On peut entrer un peu plus dans les détails, mais la comparaison peut se faire en parallèle. Donc vous pouvez, c'est indépendant. Si vous testez un individu A avec un individu B, C, D, E, vous pouvez tester tous les individus en parallèle, en une seule fois. En parallèle, pour tout le monde, et la réponse arrive. Donc, ce n'est pas multiplié par le nombre d'individus, puisque vous pouvez le calculer en parallèle. Vous disiez, Kevin Mailly, que finalement, le temps de traitement le plus important, ce n'est pas tellement la comparaison avec le gabarit, c'est l'extraction des données. C'est plutôt la détection du visage, l'extraction des caractéristiques. Donc, ça va prendre plus de temps s'il y a beaucoup de visages dans l'image. Voilà. Mais après, le comparer à 10, 20 ou 1000 personnes, ce n'est pas ça qui prendra le plus de temps. Parce que l'extraction, il faut le faire, ça. Mais par contre, les comparaisons, on peut les faire en parallèle. D'accord. Quid de la détection des expressions, justement, Kevin Mailly, puisque c'est votre spécialité un peu aujourd'hui. Quel est le degré de finesse que l'on peut avoir dans la compréhension, l'identification des expressions sur un visage humain? Je ne sais pas, il y a combien d'expressions déjà sur un visage humain qu'on peut répertorier? Il y a beaucoup d'expressions qu'on peut répertorier. En général, on répertorie une quarantaine de muscles. Et donc, du coup, on peut imaginer toute la combinatoire liée à ces 40 muscles qui peuvent s'activer simultanément ou non. C'est la théorie. En pratique, on va surtout extraire les informations principales, des froncements de sourcils, des sourires, des choses comme ça, qui vont ensuite pouvoir être utilisées pour inférer des informations de plus haut niveau, typiquement une émotion, un état de stress, ce genre de choses. Donc, alors, c'est pas évident de répondre à la question avec quelle précision on y arrive. Encore une fois, c'est exactement comme pour la reconnaissance faciale. Ça dépend le contexte, de l'acquisition, de à quel point la personne est coopérative ou pas. Si elle est derrière sa webcam, dans la pénombre, etc., ce sera bien évidemment plus compliqué que si elle est dans un protocole très strict de face à une caméra en haute résolution. Allez-y, pardon. Voilà, et puis pour compléter, en fait, j'ai parlé des activations musculaires, etc., mais il y a, en amont, il y a aussi la localisation des points caractéristiques, qui est un point clé et qui sert à la fois pour la reconnaissance d'expression faciale, mais également pour toutes les autres applications, estimation de l'âge, du genre, etc. Et là, ces applications-là sont, ces caractéristiques-là sont maintenant localisées avec beaucoup, beaucoup de précision, c'est-à-dire des coins de bouche, le contour des sourcils, la pupille, etc. On est capable vraiment de suivre très, très finement les mouvements du visage avec ces points. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'identifier des micro-expressions, c'est-à-dire vraiment pas forcément juste un sourire franc ou un sourcil froncé, mais juste des expressions très très légères qui vont passer brièvement, par exemple, effectivement, quand on diffuse un spot publicitaire ou un message commercial sur lequel vous souhaitez avoir des informations? Oui, puisque ça dure quand même 1 à 2 secondes, le sourire. Donc on est quand même capable de le détecter, puisqu'on est quand même avec une fréquence de l'ordre de 25 images par seconde avec les capteurs. Donc ça, on peut détecter un sourire. Et on ne détecte pas que les sourires très francs, on peut avoir une intensité de sourire. On arrive à détecter assez finement des intensités et pas uniquement juste savoir s'il a souri ou pas. Pour revenir aussi à ce type de traitement plus fin de l'image, de l'acquisition d'images de reconnaissance faciale aujourd'hui, qu'est-ce qui permet à une machine de... Vous disiez tout à l'heure, Jean-Luc Dugelet, qu'une machine est... meilleur qu'un être humain pour reconnaître l'âge d'une personne. Quels sont les critères objectifs qui sont utilisés par une machine? La machine peut voir plus, sans doute, grâce aux capteurs, qu'ils deviennent plus performants que le capteur humain qu'est l'œil, et aussi les capacités de calcul. La capacité de calcul et d'entraînement. Donc on finit par apprendre plus, mieux, de voir plus d'exemples, et finalement la machine, effectivement, pas pour toutes les tâches, hein, mais pour cette tâche-là, par exemple, d'estimer l'âge, la machine fera mieux que l'humain. Oui, mais surtout que l'humain est pas très bon d'ailleurs pour estimer l'âge. Oui. C'est plutôt. Ça dépend des tâches, encore une fois. Ça dépend des personnes. Il y a des gens qui sont très jeunes, il y a des gens qui. Mais estimer l'âge, l'humain est pas, c'est pas sa spécialité, quoi. Il est meilleur d'ailleurs pour estimer l'âge des personnes qui ont à peu près leur âge. Tout à fait. Ah, c'est Oui, c'est vous établi ça. Oui, ouais, d'accord. Ouais. On est meilleur pour reconnaître les gens qui ont le même âge que nous. Exactement, et on est moins bon quand on s'éloigne. Plus exactement, discriminant. Ouais. D'accord. Dans sa catégorie, voilà. Et alors justement, puisqu'on parle de la détection d'expression, il y a évidemment tout un panel d'utilisation de cette reconnaissance faciale et notamment des expressions, de l'identification des expressions faciales. Alors on évoquait ce sur quoi vous travaillez, c'est-à-dire en l'occurrence la reconnaissance volontaire hein, chez des volontaires d'expression faciale face à certains messages commerciaux, mais cette analyse elle peut servir évidemment à bien d'autres choses et notamment à entrer et à communiquer avec des agents conversationnels. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu donc à l'ISIR, à Sorbonne Université, pour tester le réalisme d'une conversation avec un agent virtuel. Oui, l'enjeu à long terme serait de pouvoir discuter naturellement avec un agent virtuel, un peu comme on le ferait avec une vraie personne. Catherine Pellachaud est directrice de recherche et avec ses deux doctorantes, elle a créé un agent virtuel. Alors une agente virtuelle, elle s'appelle Alice. Elle a 30 ans, elle est brune aux yeux bleus, avec une voix encore un peu trop synthétique, mais qui est capable de mener une conversation, certes basique, mais de manière très expressive. Je co-encadre les recherches qui sont menées sur les agents conversationnels, comme interaction humain-machine. Beaucoup sur la modélisation de ce qu'on appelle les agents conversationnels animés, les personnages virtuels, avec lesquels l'humain peut communiquer en utilisant le comportement verbal et non-verbal, c'est-à-dire la parole, et tous les gestes qui vont avec, les expressions du visage. Donc on va vraiment travailler sur la communication humaine, on va se baser sur des travaux théoriques en psychologie sociale, linguistique, etc. Et beaucoup sur l'analyse de données. De quelle sorte de données on parle ici? Parce qu'il y a beaucoup de choses, vous l'avez dit, il y a les données morphologiques, mais aussi conversationnelles, donc ça implique beaucoup de sémantique. Oui, donc ce que l'on va faire, on va recueillir des corpus vidéo, avec le son, d'interactions entre des participants. Et on va recueillir un grand nombre de données que l'on va pouvoir ensuite analyser et ensuite construire des modèles computationnels que l'on va tester sur nos agents conversationnels. En quoi l'aspect cognitif est très important pour pouvoir donner une expression réaliste ? Ben, il est absolument important de prendre ça en compte pour qu'il y ait une cohérence dans la communication, une cohérence dans le comportement de l'agent et puis aussi pour que ça puisse, dans l'interaction, puisse contrôler ce qui se passe, pour essayer de modéliser un peu, que l'agent puisse avoir un modèle un peu de ce qui se passe chez l'utilisateur pour adapter son comportement. Ça dépasse largement une simple reconnaissance de visage ou de synthèse de visage réaliste. Oui, absolument. Oui, oui. Là, on va plus se regarder sur l'aspect comportemental que l'aspect purement réaliste pour cela. Moi, je développais un modèle pour générer les expressions faciales, c'est-à-dire le regard, le sourire et aussi les mouvements de tête de l'agent, automatiquement. Donc pour cela, comme ma directrice l'a indiqué, j'ai utilisé un corpus d'interaction entre deux humains. Donc ils étaient engagés dans une interaction et donc naturellement, ils généraient des expressions faciales, des mouvements de tête, etc. Donc moi, j'ai fait un modèle pour automatiquement corréler le niveau d'engagement d'une personne à ses mouvements de tête et son regard et son sourire. Et à partir de cette base de données, vous avez réussi à synthétiser des expressions qui correspondent à des attitudes ou à des paroles? À un niveau d'engagement. Plutôt. Oui. Quand on parle d'engagement, c'est au niveau expression, c'est dans le regard. On le définit par l'intention de maintenir l'interaction, l'intention de vouloir rester en communication avec la personne. La posture aussi, généralement. Oui, c'est ça. Je suis Béatrice Biancardi et je travaille sur les premières impressions générées par ces personnages virtuels. À l'heure là, nous on étudie deux dimensions principales. On a vu dans la littérature en psychologie que quand on rencontre une nouvelle personne, on se forme des impressions sur son niveau de chaleur, donc s'il est amical, sociable, et aussi sur sa compétence. Et après ça, on cherche à reproduire ces comportements dans les personnages virtuels. Et là, on a devant nous Greta. Oui, c'est un agent virtuel. Ici, ça va être Alice. Donc, c'est vrai qu'on l'utilise plutôt, ce sont plutôt des jeunes femmes, hein, des jeunes gens, 30 ans à peu près. L'aspect visuel, on le prend d'un logiciel. Hein. On l'a créé. Donc, au départ, elle était blonde aux yeux bleus. Puis après, on nous a dit que c'était tout même tous les clichés, la blonde aux yeux bleus. Donc, on a changé. On a mis brune aux yeux bleus pour pas tout recommencer la modélisation, parce que ça prend tout de même du temps. Juste dans le dispositif, c'est une projection, en fait. Ah oui, oui. Là, pour ici, ce qu'on a voulu faire, c'est que les gens soient vraiment immerser le plus possible en projetant l'agent grandeur nature. Donc, l'agent va être à peu près la même taille qu'un adulte pour pouvoir communiquer. Et alors là, elle est capable d'entretenir une conversation et d'adopter des expressions issues des travaux de vos deux doctorantes. Oui. Alors ici, donc, on a défini un scénario, hein, parce que c'est vrai que parler de toute chose, on n'en est pas encore capable de le faire. Donc, on a défini un scénario relativement précis, mais tous les comportements vont être calculés en temps réel. Rien n'est prescripté. Donc, l'agent est un guide qui va donner des informations sur... Il y avait une exposition sur les jeux vidéo à la Villette il y a quelques mois. Et elle va donner des informations sur les jeux. Et elle va adapter son comportement pour gérer aussi bien les impressions qu'elle donne que maintenir l'engagement. On va adapter en temps réel le mouvement de tête, la réaction au sourire, etc., pour maintenir l'engagement. Ok, là, on va reproduire en fait l'expérience qu'on a menée à la Cité des Sciences, où les participants pouvaient parler avec Alice. Donc Alice, elle va jouer le rôle de guide, elle va introduire une exposition sur les jeux vidéo. D'abord, il faut lancer le modèle pour prédire les impressions. Ensuite, on va lancer le micro, la reconnaissance vocale. Et ça, c'est notre outil qui permet d'intégrer toutes les informations sur l'utilisateur, dont ses expressions faciales, sa voix. La Kinect, elle peut détecter mon visage, elle peut détecter tous les points du visage. Mm-hmm. Et quand tout est prêt, on peut lancer le modèle. Ok, donc là, elle vous sourit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au musée. Merci. On se tutoie. Je trouve que c'est une bonne idée. D'accord, comme tu préfères. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Béatrice. Moi, c'est Alice. Quel âge as-tu ? J'ai 27 ans. Tu vas pouvoir tester les jeux si tu veux. Pour faire un peu un commentaire de la séquence qu'on vient de faire, on peut voir qu'elle adopte, pour appuyer ses paroles, des gestes vraiment très stéréotypés où on voit qu'elle avance l'avant-bras pour soutenir un propos, pour poser une question. Vous avez vu que l'agent faisait certains mouvements assez clairs. En analysant des données réelles, donc de conversation, de communication entre deux humains, donc ici, elle ne va pas coder explicitement la règle s'il y a engagement égal, synchronisation, imitation, etc. Mais ça va émerger de l'analyse des données qu'elle va utiliser pour construire son modèle computationnel. Voilà, de l'importance de la reconnaissance des expressions faciales pour interagir avec ces agents conversationnels. Une réaction, Kevin Bayet, ce que vous venez d'entendre? Oui, et bien effectivement, la reconnaissance d'expressions faciales, ici, on la retrouve à deux niveaux. Au niveau de... déjà, on a besoin de savoir quelle est l'expression faciale de la personne avec laquelle on interagit, de manière à adapter le comportement du robot. Donc ça veut dire être capable, en temps réel, de comprendre l'état émotionnel, l'état d'attention, d'engagement, etc. Et il y a aussi un deuxième niveau, c'est pour apprendre ensuite au robot à réagir. Et bien là, on va devoir étudier comment deux personnes interagissent, de manière à être ensuite capable de transférer cette connaissance sur le robot pour que le robot, lui, en retour, puisse produire également des expressions faciales qui soient appropriées et qui permettent d'avoir une interaction qui soit le plus fluide possible. Ça veut dire aujourd'hui que ce sont des algorithmes suffisamment légers pour tourner, pour être implémentés sur des agents conversationnels, sur des robots, sur des assistants à domicile, par exemple ? Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible de le faire tourner maintenant sur des robots. D'ailleurs, je crois qu'il y a un exemple avec la société SoftBank Robotics qui a implémenté un module de reconnaissance d'émotion sur son robot Peppers. Alors avec des cas d'utilisation qui sont encore pour le moment assez limités, hein, mais dans le futur, quand on sera capable vraiment d'intégrer pleinement cette information, ça permettra vraiment d'obtenir une interaction beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturelle avec des agents conversationnels ou des robots. Avec des applications importantes, par exemple, qui ont déjà lieu, hein, notamment pour des applications sur des tablettes avec des personnes qui souffrent du trouble du spectre autistique, ce qui permet éventuellement de les aider, de repérer leur réaction et de les aider à réagir et de les pousser interagir. Oui, effectivement. Donc ça, c'est un projet que j'ai dirigé. C'est un projet financé par l'Agence nationale pour la recherche. Donc qui faisait qui a réuni plusieurs partenaires, une équipe clinique, donc des chercheurs plutôt sur l'analyse faciale dont je faisais partie, et puis des gens capables de concevoir ce jeu sérieux, en l'occurrence la société Genius Healthcare. Et donc là, l'objectif, c'était effectivement d'apprendre à des enfants avec autisme à produire des émotions faciales qui soient en adéquation avec vraiment ce qu'ils ressentaient. Donc pour ça, on a conçu un jeu dans lequel l'enfant pouvait évoluer et par moment, il était confronté à des scénarios sociaux et en fonction de ce qui se passait dans le jeu, on lui demandait de produire une émotion qui soit en adéquation avec ce contexte-là. Et bien évidemment, pour que le jeu marche, il faut être capable, en temps réel, d'analyser ses expressions faciales, l'intégrer dans le jeu, et puis ensuite faire un retour à l'enfant. Et puis ça permet également de voir, en enregistrant les performances, de voir l'évolution de l'enfant au cours du temps, à force qu'il s'entraîne avec ce jeu. Voilà, on peut parler de 2-3 autres applications éventuellement, des applications hospitalières aussi, pour des personnes qui ont du mal à communiquer, et pour connaître leur degré de souffrance. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est pour du monitoring. C'est également un projet, mais là, qui est beaucoup plus prospectif, effectivement, que je fais en collaboration avec la Pitié-Salpêtrière, donc le service de pneumologie de Thomas Similowski. Et donc là, l'idée, c'est effectivement d'être capable de monitorer les souffrances respiratoires des personnes qui peuvent pas parler parce que, par exemple, elles peuvent être intubées, elles peuvent avoir un état de conscience altéré, etc. Il y a plein de raisons pour lesquelles elles peuvent pas communiquer verbalement. Et donc, dans ces cas-là, il faut être capable de pouvoir les monitorer et intervenir en cas de souffrance pour les soulager. Après, il peut y avoir plein d'autres applications médicales, du maintien à domicile de personnes âgées, être capable de voir des risques de souffrance, encore une fois, ou de dépression pour pouvoir intervenir en cas de problème. Ouais. Et on va continuer à parler justement des applications de ces logiciels de reconnaissance faciale. Donc vous voyez qu'elles ne sont pas que le mal incarné, qu'elles ne sont pas là que pour réaliser le rêve orwellien d'une société de contrôle. Chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit, c'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? La monnaie, t'as rien dit, tu l'as déjà dit. On ne va pas y passer la nuit. Ma gueule et moi, on est sortis. On cherchait plutôt des amis. Et oui, on n'a pas résisté à qu'est-ce qu'elle a ma gueule quand on fait une émission sur la reconnaissance faciale. C'est évidemment Johnny Hallyday dans la méthode scientifique. Une fois n'est pas coutume, il est 16h37, vous écoutez France Culture. Nous parlons donc de reconnaissance faciale, de ces programmes, de ces algorithmes de reconnaissance faciale. Nous en parlons avec Jean-Luc Dugelet, qui est professeur à l'école d'ingénieurs Eurecom à Sophia Antipolis, et avec Kevin Bailly, qui est enseignant-chercheur à Sorbonne Université à Lisir, qui est l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, et qui est également directeur de recherche dans la société Datacalab. Mais comme tous les mercredis, à la mi-parcours, à moitié de l'émission, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans le studio de la méthode scientifique Farnaz Majdzadeh. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en troisième année de thèse à l'université Paris-Est Créteil, membre du groupe biométrie du laboratoire Images, Signaux et Systèmes Intelligents. Vous travaillez sur l'impact du vieillissement sur les caractéristiques faciales en biométrie. Bienvenue à La Recherche Montre en Main, on vous écoute. Merci beaucoup, bonjour, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer à l'antenne et sur le thème de ma thèse. Ma thèse est dirigée par le professeur Nathalie. Alors, je veux juste signaler que je suis une doctorante anglophone, donc je m'excuse pour mon accent. Vous parlez remarquablement bien, donc ne vous excusez merci, pas. Merci. Alors, pour commencer, je souhaite vous parler de la reconnaissance faciale de manière générale, puis je vous parle de sujets que je développe pendant ma thèse. Alors, est-ce qu'on peut dire simplement c'est que la reconnaissance faciale est une technologie qui permet de reconnaître un individu à partir des traits de son visage? En particulier, les systèmes de reconnaissance faciale permettent l'extraction des caractéristiques du visage en utilisant des algorithmes spécifiques. On peut utiliser la reconnaissance faciale soit en vérification, soit pour l'identification. Alors, en mode vérification, l'individu doit d'abord déclarer son identité. Ensuite, le système biométrique doit vérifier qu'il s'agit de la bonne personne en effectuant une comparaison entre les traits du visage extraits et ceux déjà enregistrés dans la base de données. Par exemple, on peut trouver ce type de biométrie dans les aéroports Paris-Charles de Gaulle et aussi Paris-Orly, notamment pour contrôle frontière avec le système PARAF. Par ailleurs, en mode identification, le système de reconnaissance faciale doit reconnaître l'identité de l'individu en comparant ses caractéristiques faciales à un ensemble de caractéristiques stockées dans une base de données. Alors, effectivement, il faut savoir que les performances de reconnaissance faciale sont sensibles à plusieurs facteurs. Parmi les facteurs courants, on peut citer le premier point, la luminosité. Alors, dans ces conditions, les performances de reconnaissance peuvent être impactées si l'image acquise est de mauvaise qualité en raison d'un faible niveau de lumière. Un autre point, l'expression et l'émotion. Dans ce cas, le fait de sourire en face de la caméra ou être en colère modifie les traits du visage. Alors, par conséquent, certains algorithmes deviennent sensibles à ces facteurs. Et le troisième point, il s'agit du problème de la pose. Alors, en quoi cela consiste? En fait, lorsque la personne est de la profil ne montrant pas son visage de face à la caméra. Ensuite, l'occultation, et dans ce cas, les performances des systèmes de reconnaissance faciale baissent si l'individu cache une partie de son visage, par exemple pour des lunettes ou le port d'une barbe, etc. Enfin, le facteur de vieillissement du visage. Celui-ci contribue dans la modification des caractéristiques du visage au cours du temps. Effectivement, dans ma thèse, j'ai contribué à l'élaboration d'un modèle mathématique en trois dimensions. Ce modèle est l'extension d'un modèle développé au sein du groupe biométrie de l'Université Paris-Créteil. L'objectif est de pouvoir prédire l'apparence faciale d'un individu à partir de ses caractéristiques faciales actuelles. Par exemple, nous avons la possibilité de faire vieillir numériquement en 3D, le visage d'un enfant de 7 ans, par exemple, vers un visage de 40 ans. Le modèle mathématique permet aussi de faire l'opération inverse, c'est-à-dire le rajeunissement numérique d'un visage 3D adulte vers un visage enfant. À noter que les applications de ce modèle peuvent être nombreuses. Entre autres, on peut l'utiliser pour prédire l'apparence faciale d'une personne portée disparue ou dans le cas des sciences forensiques. Dans le contexte de la reconnaissance faciale, ces modèles peuvent être intégrés dans des systèmes de biométrie faciale afin d'améliorer les performances de la reconnaissance. Les tests sont toujours en cours d'élaboration, malgré la difficulté pour construire de grandes bases de données de visages en 3D. Voilà, j'essaie de résumer en quelques minutes ce thème de recherche que je trouve personnellement passionnant et prometteur. Merci beaucoup, Farnaz Majidzadeh. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission. Merci. Vous intervenez quand vous le souhaitez. Peut-être une réaction. Effectivement, aujourd'hui, le vieillissement, Jean-Luc Dugelet, c'est l'un des principaux points d'achoppement pour pouvoir continuer à faire de la reconnaissance faciale tout au long de la vie d'un individu. Tout à fait. C'est une des difficultés. Encore une fois, s'il y a une grande différence d'âge entre le moment où on a appris la personne a été apprise et le moment où on la vérifie. Donc, effectivement, avec les émotions, c'est les deux sources de variabilité les plus difficiles à contrecarrer, parce que même les nouveaux capteurs règlent les problèmes d'éclairage, de pose, mais pas forcément d'âge et d'émotion. Donc une solution pour l'âge, effectivement, c'est de normaliser, de artificiellement vieillir ou rajeunir pour remettre au même âge les deux personnes à comparer. J'aimerais que dans cette dernière partie d'émission, on parle ensemble évidemment des applications de ces systèmes de reconnaissance faciale, avec évidemment au centre une question d'éthique. Donc je vais vous poser la question que tout le monde se pose plus ou moins aujourd'hui. Est-ce que tous les logiciels de vidéosurveillance, en France en tout cas, sont équipés de reconnaissance faciale? Est-ce qu'on peut aujourd'hui m'identifier dans la rue, juste si je passe sous une caméra de vidéosurveillance, Jean-Luc Dugelet? Il faut déjà avoir la base de données. Comme déjà dit. Si je n'ai jamais été arrêté par la police, mettons que je n'ai jamais été arrêté par la police. Non, mais peu de gens ont l'autorisation d'avoir les bases de données. Donc, par exemple, à Nice, il y a eu une expérience où ils ont demandé à avoir une liste des gens fichés. Mm-hmm. Par exemple, ça a été refusé. Nice a mis en place un système de reconnaissance pendant le carnaval. Oui, de tests. Pour faire des tests. Mais ça a été fait, ça a donné lieu à des interpellations, par ailleurs. Non, c'était pour faire des tests. Normalement, ils ont l'autorisation de la CNIL pour faire des tests sur une base de personnes volontaires. D'accord. Mais encore une fois, plus que le problème de reconnaissance faciale, c'est le problème des bases de données. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas reconnaître des gens qui n'ont pas été enregistrés dans une base. Oui, mais vous avez raison. Je vais rectifier la bêtise que je viens de dire énorme. Non, effectivement, c'était en 2019, là, juste là, entre février et mars, c'était un test. De Nice. Voilà, Nice pendant deux jours sur six caméras de vidéosurveillance. Absolument. Mais il n'y a pas du tout eu d'interpellation, donc ça c'était. Non. Voilà, je dis une bêtise, donc hop, on efface. Il n'y avait pas eu des interpellations, c'était pas grâce à ça ou à cause de ça. Voilà, c'était juste un test. Alors, du coup, puisqu'on parle de la CNIL, est-ce qu'aujourd'hui, la CNIL en France, parce qu'on va parler de la Chine dans un instant, est-ce que la CNIL en France est un rempart qui nous prémunit d'un certain nombre d'excès que pourrait avoir, que l'on imagine assez bien, l'accès à la reconnaissance faciale généralisée sur l'ensemble du territoire, Jean-Luc Dugelet? Tout à fait, parce que la CNIL actuellement, il ne se préoccupe pas uniquement des performances, mais également de la manière dont sont stockées les données. Qui peut accéder aux données? Combien de temps? Donc par exemple, ils imposent que les données soient effacées au bout de tant d'années. On ne peut pas garder indéfiniment des données. Donc il y a un certain nombre de garde-fous comme ça, proposés par des organisations comme la CNIL en France, il y a l'équivalent dans d'autres pays, pour voir comment sont gérées les données, qui peut accéder, quelles sont les sécurités pour accéder à ces données-là, et quelle est leur utilité. C'est-à-dire, est-ce que le système mis en place biométrique est proportionné par rapport au problème? Donc il y a un certain nombre de garde-fous comme ça, autres que uniquement la performance. En termes de surveillance, par exemple, aujourd'hui, pour reposer ma question une fois que cela a été dit, les caméras de vidéosurveillance dans la rue... Elles existent, mais elles ne sont pas couplées à des systèmes de reconnaissance faciale. Tout à fait. Et si elles étaient couplées, il faudrait aussi avoir la base de données des gens qu'on veut chercher. Reconnaître. Voilà. Donc ça, c'est encore plus compliqué d'obtenir les fichiers. Ça, c'est une chose. Kevin Bailly, peut-être un mot sur cette inquiétude générale qui est liée, c'est vrai, dans le grand public, à ces systèmes de reconnaissance faciale dont on imagine qu'ils nous reconnaissent à notre insu, qu'ils nous fichent, qu'ils nous conduisent collectivement à une société de la fin de l'anonymat. Oui, c'est vrai, mais c'est des peurs qui sont légitimes si effectivement il n'y a pas de garde-fou derrière, que toutes les données étaient centralisées, etc. Par exemple, on prend l'exemple de l'aéroport. Là, il n'y a pas un fichier central qui dit qui a le droit de passer ou pas la frontière. C'est avant tout, on va lire l'image qu'il y a sur notre passeport et on va la comparer avec le visage qu'on a au moment de passer la frontière. Donc exactement ce que ferait un douanier. Donc là, dans les douanes, il y a tout de même une corrélation avec des systèmes de personnes recherchées. Certainement, au même titre qu'à mon avis, les douanes ont une liste de personnes et c'est aux douaniers de faire la comparaison. Mais en tout cas, c'est pas tout le monde qui est fiché et c'est pas tous les visages ne sont pas centralisés sur une base. On prenait l'exemple des douaniers, ça montre bien que c'est pas un problème nouveau, c'est juste que là, c'est automatisé à plus grande échelle. Il y a alors je, là aussi je parle sous votre contrôle parce que comme je viens de dire une bêtise énorme et j'espère que nos camarades niçois m'en voudront pas, qu'il y a tout de même des systèmes aujourd'hui parce qu'on parle évidemment de surveillance, mais on parle aussi pour ce qui est des aéroports de fluidification du trafic passager. Je crois que c'est dans un des terminals de l'aéroport de Singapour qui est l'un des aéroports très très en pointe sur ces techniques là où effectivement là pour le coup il n'est pas juste question de reconnaissance faciale à l'intérieur des portiques de sécurité de passage de la frontière, mais en tout cas d'acquisition d'informations dès l'entrée dans l'aéroport et de fluidification du parcours jusqu'à la montée dans l'avion. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, il y aurait quasiment plus de portiques parce qu'on est reconnu immédiatement et qu'on est suivi et confirmé par ces caméras. Vous confirmez ce type? Oui, absolument. Ça peut être aussi utilisé rendre plus rapide le contrôle. Il y aura un contrôle aux frontières. Donc, si on veut le rendre plus rapide, c'est vrai que ça peut l'accélérer. C'est-à-dire qu'on le rend passif en quelque sorte, on n'a presque plus besoin de présenter son passeport, on confirme ça. On parlait de rapidité tout à l'heure, c'est tellement rapide de reconnaître un visage que la personne peut ne même pas s'arrêter de marcher. Au vol, entre guillemets. On peut reconnaître la personne au vol, donc ça peut effectivement éviter les longues files d'attente. Alors la CNIL vient par exemple, alors je vais reparler de Nice, j'ai vraiment rien, j'aime beaucoup la ville de Nice, je tiens à le signaler ici. Il y a tout de même deux lycées qui ont eu le feu vert de la CNIL pour mettre en place un système de reconnaissance faciale à l'entrée des établissements, c'est-à-dire se servir de la reconnaissance faciale pour identifier les élèves, pour ne pas laisser rentrer n'importe qui dans les établissements scolaires. Ça existe dans d'autres pays. La Quadrature du Net vient de déposer un recours pour empêcher ce type d'expérimentation. Est-ce qu'on commence à atteindre justement les limites du rempart ou est-ce que ça finalement peut être effectivement pratique pour l'avenir, pour sécuriser les établissements scolaires, pour faciliter l'entrée et la circulation des élèves? Là, la question qui est posée, c'est est-ce que l'élève qui rentre est bien un élève de l'établissement ou pas? Donc, il ne s'agit pas forcément de reconnaître les personnes ou de reconnaître des personnes encore moins extérieures, mais juste de dire oui ou non si la personne est d'établissement. Mais si elle est là, ça permet de pas d'éviter l'appel, quoi. Mais ce type de contrôle existe. Généralement, ça peut être fait par une personne, un humain ou un. Bien sûr. La question c'est celle de l'automatisation, bien sûr. Tout à fait. C'est la question de l'automatisation et le fait que ce soit très rapide et sans opérateur humain. Kevin Bailly. Non, mais moi je pense que tout ça, ce sont des questions de société. C'est vraiment. Il y a des pays qui acceptent ce genre de fichage, il y a des pays qui n'acceptent pas, et donc je pense que c'est aux citoyens de décider jusqu'où on met la limite dans le suivi, le fichage, etc. Mais c'est voilà, nous ce qu'on peut dire, c'est quel est l'état des technologies, jusqu'où on peut aller, mais c'est après aux citoyens de répondre à ces questions. En fait. Effectivement, les technologies existent, elles progressent, maintenant c'est comment on les utilise pour en tirer le meilleur, voilà. Ça, c'est une question plus de société, effectivement. Voilà. Et les risques, en fait, sont souvent quand on centralise les informations, quand on recoupe les informations. Là, souvent, ce sont des, par exemple, pour les lycéens, l'information reste en local dans le lycée et elle n'est pas partagée avec les parents, elle n'est pas partagée à plus haut niveau et elle n'est pas recoupée avec. Il y a que les gens du lycée. La base doit être effacée après chaque passage quand l'étudiant a terminé sa scolarité, etc. Donc il y a tout ça, il faut vérifier. Et tout ça, donc la CNIL est censée veiller au grain, la Commission nationale informatique et liberté. Voilà, il y a des pays qui sont moins sourcilleux sur ces questions-là. Je le disais, la Chine est très très très à la pointe des questions de reconnaissance faciale et n'est pas très très soucieuse, on va le dire. Mais collectivement, les citoyens chinois n'ont pas l'air d'être très soucieux de ces problèmes-là de liberté individuelle. Au point où nous le sommes, comme en témoigne ce reportage qui date de l'an dernier sur France Info. Écoutez. Ce n'est pas de la science-fiction en Chine, c'est une réalité. Dans les lieux publics, tout le monde est scruté. Un visage peut immédiatement être associé à une identité. Les Chinois appellent ce système l'œil céleste. Pendant que les agents de la circulation ont le dos tourné, les caméras, elles, dotées du système de reconnaissance faciale, font leur travail. Quand les gens traversent au feu rouge, on le voit tout de suite sur l'écran. Du coup, c'est la honte pour eux. Ils ne peuvent que reconnaître leur tort. Des caméras intelligentes à tous les coins de rue. Et pour ceux qui traversent au feu rouge, l'amende est de 3 euros. La Chine ne connaît pas de loi sur la vie privée. Être filmé ne semble déranger personne. Une atteinte à la vie privée ? C'est le prix à payer pour notre sécurité. La Chine est surpeuplée. La reconnaissance faciale, ça facilite la gestion de la ville. La police est alertée tout de suite. La reconnaissance faciale s'est invitée dans le quotidien des Chinois, là où on ne l'attend pas forcément. Dans ses toilettes publiques, par exemple, pour limiter la consommation de papier. Ou dans les supermarchés, comme celui-ci à Pékin. Plus de caisses, encore moins de caissières. Mais des codes-barres et une vision artificielle qui scanne les produits les visages et débite les comptes en banque en 2 secondes à peine. Une prouesse technologique aux mains du pouvoir. Ce dissident vient d'en faire les frais. Reconnu par l'œil de Pékin dans le métro, il a récemment été arrêté. Peu nombreux sont ceux qui osent élever la voix contre ce que certains appellent le totalitarisme numérique. Une réaction à ce reportage, Jean-Luc Dugelet. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a diverses applications, et que selon la culture, selon la sensibilité, il y a des applications qui semblent adaptées, d'autres moins. Donc en France, par exemple, si on dit on va utiliser la reconnaissance faciale pour repérer les terroristes ou pour retrouver un enfant perdu, peu de gens vont dire c'est un scandale. Si on utilise la reconnaissance faciale pour détecter quelqu'un qui traverse 1 mètre à côté du passage piéton, ce qui est le cas là, voilà, il y a beaucoup de personnes vont se poser des questions quand même. Donc encore une fois, c'est un choix comme... Déjà dit, c'est un choix de société aussi. Je précise, et grâce à un des auditeurs de la méthode scientifique, que par ailleurs, et sur un fil de la CNIL qu'il a précisé sur son fil Twitter, que la CNIL n'a pas du tout donné son feu vert pour l'expérimentation des portiques virtuels de reconnaissance faciale dans les lycées de Nice, puisque, comme le précise la CNIL, depuis l'entrée en application du RGPD, les dispositifs biométriques ne sont plus soumis à autorisation préalable de la CNIL, qui a néanmoins émis un certain nombre de réserves quant à cette pratique. Donc merci à l'internaute de nous avoir signalé cette petite imprécision. Un mot tout de même, en Chine, effectivement, ces systèmes de reconnaissance faciale vont assez loin. On a même équipé des policiers de lunettes à reconnaissance faciale. Aujourd'hui, c'est une technologie efficace, c'est-à-dire qu'on peut injecter dans des lunettes type Google Glass des systèmes de reconnaissance faciale qui permettent d'interroger en permanence une base de données sur une foule, par exemple, Kevin Bailly. Oui, tout à fait, c'est tout à fait possible. Souvent, à mon avis, les données ne sont pas traitées directement sur les lunettes, mais envoyées à un serveur qui va analyser. Donc là, à ce moment-là, la lunette, elle sert juste de capteur et on peut très bien imaginer que ça se fasse en temps réel. Se pose tout de même autour de ces questions-là une question centrale qui est la question du consentement. Aujourd'hui, on a l'impression que cette question du consentement, elle a été un peu évacuée du débat. Qu'en pensez-vous, Jean-Luc Dugelet ? Oui, parce qu'au départ, il y avait consentement dans la mesure où il y avait coopération. C'est-à-dire que tous les systèmes biométriques étaient très... il y avait un protocole assez strict qui faisait que la personne était forcément consciente qu'elle était... sous contrôle. Je rentrais dans ma petite cabine à la frontière et où j'acceptais de montrer mon visage devant voilà. Comme on l'a dit au départ, devant la caméra, etc. De facto, je suis consentant. Tout à fait. Mais dans ces cas d'identification là, ou dans des cas où finalement, petit à petit, on se rend compte que c'est déployé de manière plus vaste et sans vraiment tout à fait l'assentiment ou même parfois la conscience des citoyens qui y sont soumis. Tout à fait. C'est qu'il y a un phénomène où, au début, il y avait deux domaines un peu séparés. La vidéosurveillance, qui était d'assez basse qualité, qui permettait juste de reconnaître un certain nombre de personnes, densité de foule, etc. Et la biométrie, qui permettait de reconnaître l'identité. Et maintenant, évidemment, il y a intersection entre ces deux domaines. Et là, ça pose des problèmes, puisque les gens peuvent être reconnus comme en biométrie, mais sans le protocole qui va avec, et donc sans forcément être coopérative ou consciente d'être vérifiée. Kevin Bailly, sur cette notion du consentement, même finalement à des fins commerciaux, puisqu'aujourd'hui on sait que de plus en plus, et on le voit, hein, je citais ces exemples de restaurants qui proposent des menus différenciés en fonction qu'elle a identifié que la personne qui se présentait à la borne était un homme, une femme, quelqu'un de jeune ou quelqu'un de plus âgé. Elle est centrale dans ces systèmes qui sont des systèmes finalement très invasifs de notre vie privée. Oui, je suis d'accord. Alors, savoir si on est un homme ou une femme, là, je pense que c'est assez léger. Mais par contre, je ne sais pas où ça se fait, ce genre de... En Chine. En Chine, oui, voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'en France, on est encore quand même très protégé, mais je pense qu'il faut effectivement rester vigilant à toutes ces questions. Mais c'est vraiment sur la notion... Vous pensez aujourd'hui que, disons, en France, en Europe, en tout cas, les règlements, l'attention à la vie privée ou à la préservation de la vie privée est suffisante pour que ces technologies ne deviennent pas subies? Suffisante, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on est quand même un pays, ou en tout cas un continent, où on a le plus de garde-fous par rapport à l'exploitation de nos données à notre insu. Pour conclure, Jean-Luc Dugelet, aujourd'hui, il y a des activistes, des artistes, des personnes qui proposent des kits pour éviter justement la reconnaissance faciale. C'est anecdotique, ça sert à quelque chose, ça fonctionne, ça marche. Il faut sortir tous les jours avec des lunettes de soleil. Quelles sont les solutions ? Non, on peut effectivement déjouer un peu les systèmes de reconnaissance. Mais il y a aussi des systèmes. Nous-mêmes, on fait des activités de recherche pour aussi préserver la vie privée. Donc il y a des algorithmes de plus en plus puissants de floutage, par exemple, automatique. Donc, on a oublié de dire, par exemple, à Nice, ceux qui n'étaient pas volontaires étaient floutés, par exemple. Donc, il y a aussi des garde-fous. Dans quelle expérimentation ? Celle de Nice. Mais celle du lycée ou celle du carnaval ? Celle du carnaval. Celle du carnaval. Celle du carnaval. On pouvait faire une déclaration pour décider de ne pas participer. Tout à fait. Et dans ce cas-là, on était floutés. Donc il y a aussi des techniques qui permettent aussi de, des techniques scientifiques, des techniques, des algorithmes qui permettent aussi de préserver la vie privée. Donc on ne l'a pas dit, mais il y a toute une spécialité en analyse de visage, sur laquelle on travaille également, qui concerne la préservation de la vie privée. Et pour finir par une touche positive, on sait, et puis on vient de vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission, que ça peut servir également en éthologie, notamment pour l'analyse des populations de grands singes sauvages. Comme ça, on n'a pas besoin de poser des balises, on peut les reconnaître à distance, on peut les voir, on peut les reconnaître sur des photos, savoir que c'est le même individu sans avoir besoin de s'approcher, d'interagir avec eux. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler de ces logiciels de reconnaissance faciale. Merci beaucoup Jean-Luc Dugelet, merci Kevin Bailly, merci Farnaz Majidzadeh d'être venu nous présenter vos travaux. Merci. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Éléonore Pérez, Céline Lozen, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique. Demain, dans le prochain épisode de la méthode scientifique, il va nous falloir un très très très gros gâteau pour mettre la totalité des 80 bougies à souffler. Première émission en cette année anniversaire du CNRS avec son président Antoine Petit qui sera avec nous, ainsi que l'administrateur du Collège de France Alain Prochian autour d'une question essentielle, puisque le CNRS a été l'excellence de la recherche française pendant 80 ans. Quelle structure pour la recherche française de demain? On essaie de s'interroger avec quelques prix Nobel à la clé en plus. All-Star Games demain dans la méthode scientifique à 16h jusqu'à preuve du contraire.